Chapitre 32. Mes aventures. Ils passèrent ensemble toute la journée du lendemain. Mr. Hale ne parlait que lorsque ses enfants, à force de questions, l'y obligeaient et le rappelaient pour ainsi dire à l'affaire du moment. Frédéric ne parlait plus de son affliction. Le premier et violent paroxysme étant passé, il était honteux de s'être ainsi laissé vaincre par l'émotion. Et quoique sa douleur de la perte de sa mère fût une peine profonde et réelle, qui devait durer autant que sa vie, il n'en disait plus rien désormais. Marguerite, dont l'élan n'avait pas été d'abord si passionné, souffrait maintenant davantage. Elle avait de fréquents accès de larmes, et sa physionomie, même lorsqu'elle parlait de choses indifférentes, gardait une teinte de profonde tristesse, qui s'assombrissait encore lorsque, son regard tombant sur Frédéric, elle pensait à son départ si prochain. Si douloureusement qu'elle en fût affectée pour elle-même, cependant elle en était contente à cause de son père, car l'anxiété pleine de terreur dans laquelle vivait Mr. Hale, et la crainte incessante qu'il éprouvait de voir son fils découvert et arrêté, surpassaient de beaucoup le bonheur que lui donnait sa présence. Cet état nerveux avait augmenté depuis la mort de Mrs. Hale, probablement parce qu'il se préoccupait plus exclusivement de son fils. Il tressaillait au moindre bruit et exigeait que Frédéric se plaçât de manière à n'être pas en vue dans le cas où Clegg entrerait à l'improviste dans l'appartement. Dans l'après-dîner, il disait « Tu accompagneras Frédéric à la station, n'est-ce pas, Marguerite? J'aurai besoin de savoir qu'il est parti sans accident. Vous pourrez au moins m'assurer qu'il est hors de Milton ?» « Certainement, » dit Marguerite. « J'irai bien volontiers, si cela ne vous ennuie pas de rester tout seul, mon père. »« Non, non. Autrement, je me figurerais toujours qu'il a été reconnu, qu'on l'a arrêté. Et rendez-vous plutôt à la station de Outwood. Il n'y a pas beaucoup plus loin, et on n'y rencontre pas tant de monde. Prenez une voiture pour vous y conduire. Vous courez moins risque d'être vu. Par quel train pars-tu, Frédéric ?»« Par celui de 6h10. » Il fait presque nuit à cette heure. Qu'en dis-tu, Marguerite ? Oh, je m'en tirerai. Je deviens très résolu et très brave. La route sera éclairée s'il fait nuit. La semaine dernière, je suis sorti bien plus tard que cela. Marguerite remercia le ciel quand furent terminés les adieux de Frédéric, ses adieux à sa mère morte et à son père vivant. Elle pressa son frère d'entrer dans la voiture, afin d'abréger une scène si douloureuse pour le malheureux Mr. Hale, qui avait voulu accompagner son fils lorsqu'il alla jeter un dernier regard sur le corps de sa mère. Soit à cause de cette précipitation, soit par une de ces méprises assez habituelles aux indicateurs des chemins de fer pour les heures de départ ou d'arrivée, ils se trouvèrent, en débarquant à la station, à voir près de 20 minutes devant eux. Le bureau n'était pas encore ouvert, de sorte qu'ils ne purent même pas prendre un billet. Ils descendirent donc les marches qui conduisaient de l'embarcadère à un terrain au-dessous du niveau du chemin de fer. Un chemin caillouté de mâche fer coupait diagonalement un champ qui longeait la route. Ils le prirent et en parcoururent plusieurs fois la longueur en attendant l'ouverture du bureau. La main de Marguerite était passée sous le bras de Frédéric. Ce dernier la serra affectueusement en disant « Marguerite, je vais consulter Mr. Lennox pour connaître quelle chance je puis avoir de me réhabiliter, afin d'être libre de revenir en Angleterre quand il me plaira. Mais c'est pour toi surtout que je le fais. Je ne puis penser sans effroi à ta position isolée. Si malheureusement il arrivait quelque chose à mon père, il est bien changé et bien abattu. Je voudrais pour plus d'une raison que tu puisses le décider à venir à Cadix. Que deviendras-tu, pauvre petite sœur? S'il nous était enlevé, vous n'avez pas d'amis ici, et tous nos parents sont hors d'Angleterre. » Marguerite put à peine retenir ses larmes, en entendant Frédéric faire allusion à un événement qu'elle-même redoutait, tant les angoisses de ces derniers temps avaient ébranlé l'organisation de Mr. Hale. Mais elle tâcha d'être calme et dit « Il s'est opéré tant de changements étranges et inattendus dans mon existence depuis 2 ans. » Que je sens plus que jamais qu'il vaut mieux ne pas trop réfléchir aux événements qui pourront arriver. Je préfère vivre au jour le jour. » Elle se tut. Ils s'arrêtèrent un instant avant de franchir la mince barrière qui séparait le champ de la grande route. Frédéric tenait toujours la main de sa sœur, qu'il regardait avec une anxiété pleine de tendresse. Il lisait sur son visage plus de souci et d'inquiétude que ses paroles n'en trahissaient. Elle continua. « Nous nous écrirons souvent, et je te promets, car je vois que cela te tranquillisera, je te promets de te raconter toutes mes peines, tous mes embarras. Papa est un peu... » Elle tressaillit légèrement, d'un mouvement à peine sensible. Mais Frédéric avait senti le frémissement de la main qu'il tenait. Il se retourna du côté de la route. Un cavalier la remontait au pas et juste à ce moment, il passait devant la barrière. Marguerite s'inclina. Un salut roi décompassé répondit au sien. « Qui est-ce ? » dit Frédéric avant que le cavalier fût éloigné. Marguerite, un peu rouge, un peu agitée, répondit « C'est Mr. Thornton. Vous l'avez vu l'autre jour. »« Oui, par derrière. » « Il a une physionomie repoussante. Quel air dur !»« C'est qu'il est contrarié. »« Vous n'auriez pas trouvé sa physionomie repoussante si vous l'aviez vue près de maman ?»« Je crois qu'il est temps d'aller prendre mon billet. »« Si j'avais su qu'il fait si noir nuit, je n'aurais pas renvoyé la voiture, Marguerite. »« Oh, que cela ne te tourmente pas. »« Je puis en prendre une ici ou m'en revenir par le chemin de fer. »« Et depuis la station de Milton jusqu'à la maison, il y a des boutiques, des passants et des réverbères. » « Ne t'inquiète pas de moi, ne pense qu'à toi. Je suis malade à l'idée que Léonard peut se trouver avec toi en chemin de fer. Regarde bien dans le wagon avant d'y entrer. » Ils retournèrent à l'embarcadère. Marguerite voulut absolument aller elle-même prendre le billet, pour que son frère ne se trouvât point exposé à la vive et éclatante lumière du gaz qui brûlait à l'intérieur du bureau. Des jeunes gens oisifs causaient avec le chef de gare. Marguerite crut reconnaître l'un d'eux, répondit par un fier regard de dignité blessée au coup d'œil impertinent d'une admiration trop peu déguisée. Elle retourna vite rejoindre son frère, et lui prenant le bras, elle l'entraîna vers l'embarcadère. « Promenons-nous ici sur la plateforme, » dit-elle, un peu effrayée de l'idée de se trouver bientôt seule, et sentant que la bravoure dont elle s'était vantée s'évanouissait plus vite qu'elle n'aurait voulu se l'avouer. Elle entendait un pas qui suivait les leurs, s'arrêtant quand il s'arrêtait pour guetter la venue des wagons et écouter le sifflement aigu de la locomotive. Ils ne parlaient pas. Leur cœur était trop plein. Encore un instant, et le train allait arriver. Une minute de plus, et l'entraînait Frédéric dans sa course rapide. En ce moment, Marguerite regretta de l'avoir pressé avec tant d'insistance d'aller à Londres. C'était jeter plus d'une chance de danger sur sa route. S'il s'était embarqué à Liverpool, en 2 ou 3 heures, il était hors d'affaire. Frédéric se retourna et se trouva en face du réverbère, où le gaz venait d'être allumé en prévision de l'arrivée du convoi. Un individu portant le costume de facteur du chemin de fer s'avança vers lui. C'était un homme de mauvaise mine, qui semblait avoir bu, quoiqu'il n'eût pas perdu la raison. « Avec votre permission, miss. » dit-il en poussant rudement Marguerite de côté et saisissant Frédéric au collet. « Vous nommez Hale à ce que je crois. » Au même instant, Marguerite n'aurait pu dire comment, car un nuage s'était répandu sur sa vue. Par un mouvement rapide de Frédéric, l'homme se trouva renversé d'une hauteur de 3 ou 4 pieds sur la terre molle qui longeait la voie ferrée. Il restait étendu sur la place. « Cours, cours vite !» dit Marguerite qui respirait à peine. « Voici le train. C'était Léonard, n'est-ce pas ?» « Ah, cours, je porterai ton sac. » Elle prit son frère par le bras et le poussa en avant de toute sa force. Un wagon se trouvait ouvert. Il sauta dedans et comme il se penchait pour dire « Dieu vous garde, Marguerite !» Le convoi se remit en mouvement et elle resta seule. Elle était si brisée de corps et d'esprit qu'elle se trouva heureuse de pouvoir entrer dans la salle d'attente des dames pour s'y reposer un instant. Elle eut bien de la peine à reprendre haleine et à retrouver le fil de ses idées. Tout cela s'était passé si rapidement. Quelle soudaine et cruelle alarme! C'était par une chance toute providentielle qu'il avait échappé au danger. Si le train ne s'était pas trouvé là, l'homme aurait eu le temps de se relever, d'appeler de l'aide et de le faire arrêter. Elle tâchait de se rappeler si elle l'avait vu se mouvoir. Elle se demandait s'il s'était relevé, s'il avait pu être sérieusement blessé. Elle s'aventura au dehors. La plateforme était encore éclairée, mais complètement déserte. Elle la parcourut dans toute sa longueur et regarda s'il voyait l'agresseur de son frère. Elle ne vit personne. Alors elle se félicita d'avoir eu le courage de faire cette inspection, car autrement elle aurait été poursuivie d'idées sinistres. Et même à présent elle était si tremblante, si craintive, qu'elle ne se sentait pas le courage de s'en retourner seule à pied. Elle prit le parti d'attendre le prochain convoi et d'y prendre place. Mais si elle rencontrait Léonard, si ce dernier la reconnaissait pour l'avoir vue avec Frédéric, elle le regarda avec soin pour s'assurer qu'il n'était pas là, avant de se hasarder à demander son billet au bureau. Elle vit quelques agents inférieurs qui causaient à haute voix. « Eh bien, Léonard est encore allé boire, » dit l'un d'eux, qui semble être le chef des autres. « Il aura besoin de toutes les protections dont il se vante pour ne pas perdre sa place cette fois. « Où est-il ? » demanda un autre, tandis que Marguerite, qui leur tournait le dos, comptait de ses doigts tremblants la monnaie qu'on venait de lui rendre et n'osait se retourner avant d'avoir entendu la réponse. « Je n'en sais rien. Il est venu ici il n'y a pas 5 minutes, en parlant d'une prétendue chute qu'il venait de faire et en jurant comme un possédé. Il voulait m'emprunter de l'argent pour aller à Londres par le train montant. Il faisait toutes sortes de promesses d'ivrogne, mais je n'avais pas le temps de l'écouter. Je lui ai dit de s'en aller à ses affaires, et il est sorti par la porte du milieu. Il est au cabaret le plus proche, j'en jurerai, et c'est là qu'aura passé tout votre argent, si vous aviez eu la folie de lui en prêter. Je m'en serais bien gardé, je connais la couleur, et je sais ce que voulait dire son voyage de Londres. Il ne m'a pas encore rendu les derniers 5 shillings qu'il m'a empruntés. Tout ce que demandait Marguerite maintenant, c'était que le train ne se fît pas longtemps attendre. Elle se réfugia de nouveau dans la salle d'attente, s'imaginant que chaque bruit était celui des pas de Léonard, que chaque voix qu'elle entendait résonner à ses oreilles était la sienne. Mais elle ne vit personne jusqu'au signal du départ, et elle fut poliment introduite dans le wagon par un agent dont elle n'osa regarder le visage que lorsque la locomotive fut en mouvement, et alors seulement elle s'assura que ce n'était pas Léonard.